Marianne Denicourt lit Monsieur Proust, de Céleste Albaret. Finir son livre. Pour Monsieur Proust, il n'y avait plus que cela qui comptait. Et à partir de l'automne 1914, son existence s'est organisée uniquement autour de cette idée. Il a coupé les liens. Avant la fin de l'année, il a décidé de résilier son abonnement de téléphone. À l'extérieur, il expliquait peut-être, comme on l'a rapporté, que c'était parce qu'il était ruiné. C'était l'excuse. Ce qui est certain, c'est que ça ne l'a pas empêché de continuer les autres dépenses à sa fantaisie. En réalité, c'est qu'il ne voulait plus être dérangé. Il s'est rendu maître de ses sorties et de ses visiteurs, maître de toutes ses relations. La vérité, je crois bien, c'est qu'il s'est même servi de sa maladie vis-à-vis du dehors pour s'enfermer dans son travail. Ce qu'il y a de plus beau, ce que j'admire moi-même, moi je ne suis rien, mais enfin, c'est qu'il a eu le courage de devenir un reclus véritable. Il l'a fait parce qu'il voulait penser, écrire, il voulait n'être distrait par rien. La maladie ne lui faisait pas peur. La seule peur qu'il avait, c'était de mourir avant d'avoir fini son œuvre. Son seul souci est devenu la tranquillité d'écrire. Pour cela, il avait besoin de solitude. Il m'a formé et modelé selon sa vie. Comme on apprend à marcher aux enfants, il m'a appris pas à pas son service. Ce qui m'étonne encore aujourd'hui, c'est la facilité avec laquelle je me suis pliée et adaptée à ce genre d'existence auquel absolument rien ne m'avait préparée. Et non seulement je vivais à son rythme, mais on peut dire que 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, je ne vivais que pour lui. Je n'ai rien à voir avec celui de ses livres qu'il a appelé « La prisonnière » et pourtant, j'en aurais bien mérité le titre. J'ai beaucoup aimé Proust. J'ai aimé cette vie. Cette vie a été pour moi une chose. J'allais, je venais, je faisais tout. Quand ce n'était pas ceci, c'était autre chose. Mais le tout, comme en chantant, dans une espèce d'allégresse, comme un oiseau qui s'envole d'une branche à l'autre. Il y avait des fois où j'étais morte de fatigue, mais je ne le sentais pas. Parce que pas une seconde, je ne m'ennuyais. D'un côté, c'était une vie réglée comme du papier à musique. Et de l'autre côté, il y avait toujours l'imprévu, le charme d'un geste ou d'une conversation, le plaisir qu'il éprouvait d'avoir bien travaillé. Au début, j'ai continué à me lever encore assez tôt, par habitude, et parce qu'il ne me gardait pas debout trop tard. C'était une période où, vers minuit, 1 heure du matin en général, il me disait d'aller me reposer. Mais parfois, 2 minutes après ou 1 heure après, il sonnait. Je mettais mon petit peignoir et je venais les cheveux dans le dos. Il me disait « Oh, voilà la Joconde. Oh, Céleste, vous étiez déjà couchée, pardonnez-moi. » Il le savait bien que j'étais déjà couchée, mais il enrobait cela avec tant de gentillesse. « Ça ne fait rien, monsieur, je suis toujours contente de venir voir ce que vous voulez. » Il était très touché que j'aie toujours le sourire. Nicolas disait tout le temps « Il m'appelle encore, qu'est-ce qu'il veut ?» Moi, je n'ai jamais éprouvé cela. Je revenais toujours vers Proust avec plaisir. Pour son café, il m'appelait parfois très tard, 6 ou 8 heures du soir. Je me levais vers 1 heure ou 2 heures de l'après-midi, je faisais ma toilette, je m'habillais et j'attendais. Pas un coup de sonnette, pas un visiteur non plus, rien, personne. C'était ma vie. Pendant les attentes, je cousais des dentelles. Alors il m'a dit « Mais Céleste !» Il faut lire. Je me souviens, il m'a conseillé les 3 mousquetaires. Oh, je l'ai lu, ça m'a passionné. Les D'Artagnan, tout ça. Nous en avons parlé plusieurs fois le soir. Et moi, naïve et simple comme ça, je lui disais, mais comment cette femme, cette Milady, trouve toujours une tournure pour arriver à séduire son monde? Il a eu l'air tout étonné et ravi, il a ri. Et il m'a dit, mais c'est très juste et très vrai, Céleste. Il était ravi que je discute comme ça avec lui. Il m'a conseillé ensuite de lire les romans de Balzac. « Vous verrez comme c'est beau, nous en parlerons. » Mais moi, au lieu de lire, je cousais. J'aurais bien dû l'écouter. J'aurais appris beaucoup d'affaires. Si c'était aujourd'hui, eh bien je n'aurais pas arrêté de lire et j'aurais discuté avec lui. Nous sommes de plus en plus entrés dans l'habitude de la conversation. Et alors, je n'ai plus eu d'heure du tout. Je me levais selon l'heure à laquelle je m'étais couchée, avec un seul point fixe pour le réveil, le café. C'est-à-dire que, le plus souvent, je ne me levais pas avant 1 heure ou 2 heures de l'après-midi, et quand lui-même il était réveillé et que nous parlions de ce qu'il y avait à faire, je me prenais à lui dire « Monsieur, hier soir vous me disiez… » Et hier soir, cela signifiait parfois 8 ou 9 heures du matin de cette même journée où nous étions déjà engagés. C'était une vie complètement à l'envers, même pour les choses les plus simples. Par exemple, je ne pouvais faire le ménage et sa chambre que lorsqu'il était sorti, et comme il sortait rarement quand cela lui arrivait avant 10 heures du soir, autant dire que je n'ai jamais fait le ménage que la nuit, jamais ouvert les fenêtres de l'appartement que la nuit. À la cuisine et dans ma chambre, je savais encore que c'était le jour quand je me levais, mais dans tout le reste de l'appartement, le jour ne pénétrait jamais. Les rideaux restaient toujours hermétiquement fermés. Quant à la chambre de Liège, elle était défendue par les volets tirés, et les grands rideaux bleus doublés, épais, tirés aussi, et entre les deux, il y avait une double fenêtre contre le bruit. On n'entendait même pas rouler les tramways en bas sur le boulevard. Nous vivions dans l'électricité ou dans la nuit perpétuelle. Aujourd'hui, j'ai compris que toute la recherche de M. Proust, tout son grand sacrifice à son œuvre, cela a été de se mettre hors du temps pour le retrouver. Quand il n'y a plus de temps, c'est le silence. Il lui fallait ce silence pour n'entendre que les voix qu'il voulait entendre, celles qui sont dans ses livres. Maintenant, la nuit, quand je suis seule, que je ne dors pas et que je réfléchis, je crois le voir comme il était sûrement, dans sa chambre, seul aussi, mais dans sa nuit à lui, travaillant sur ses cahiers, alors que dehors, déjà depuis longtemps, il faisait jour. Et je songe que j'étais là, sans me douter jusqu'au bout, ou presque, qu'il a voulu cette solitude et ce silence, tout en sachant que ça le tuait. Je me souviens de ce que m'a dit plus tard le professeur Robert Proust. Mon frère aurait pu vivre plus longtemps s'il avait accepté de vivre la vie de tout le monde. Mais il l'a voulu. Il a voulu cela pour son œuvre. Nous n'avons qu'à nous incliner. Et surtout, j'entends la voix de Monsieur Proust. Je suis bien fatiguée, chère Céleste. Mais il le faut. Il le faut. C'était Monsieur Proust, de Céleste Albaret. Extrait lu et choisi par Marianne Denicourt. Enregistrement, montage et mixage, Mathieu Tourin. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Pascal Deux. Souvenirs recueillis par Georges Belmont et publiés aux éditions Lafont.